Planète Rap. 100% rap français. C'est parti, coup d'envoi de la nocturne, 100% rap français. Bienvenue à vous tous, vos messages, on les attend avec le hashtag Skyrock. Ça arrive direct dans le studio par SMS 41759. Le retour de la nocturne depuis la semaine dernière, avec peut-être tout à l'heure une session classique. Je sais que vous aimez ça. On va y aller tout tranquillement. On va débuter aussi avec beaucoup, beaucoup de nouveautés. Niska qui est passé ce soir avec Maître Gims. Il y aura évidemment du son de Maître Gims, hein, qui nous a délivré un album depuis ce matin. Mon cœur avait raison. On écoutera des extraits évidemment ce soir. Plein de nouveautés, du son de Vald qui passera aussi durant ce mois de septembre dans Planète Rap entre 20h et 21h. Et puis je le disais avec Difool, grosse exclu, Rimka du 113 est de retour et il a choisi la nocturne pour nous balancer en exclu son nouveau son avec Rich Homie Quan. C'est un quinri. Un quinri donc qui vient des States, forcément s'il est quinri. On va l'écouter maintenant. J'attends vos réactions sur son Rimka. Franchement, balancez des centaines de messages. Le hashtag Skyrock, dites-nous bien, pas bien, le retour de Rimka. Je veux pas influencer, enfin je veux influencer personne, mais le son défonce. Écoutez ça, réagissez. Rimka pour débuter cette nocturne 100% rap français. Planète Rap. 100% rap français. Exclu pour la nocturne. C'est le son de Rimka. Rich Homie Quan. Ça s'appelle Everyday. Everyday. Un rebeu dans l'épicerie, j'paye avec des faux cultes. 2 grammes de Colombie, ça c'est pour faire kiffer ta bitch. J'me suis payé un plus gros prolique, j'me suis payé une villa dans le sud. On vit avec l'Afrique, aïe au Hulk. Y'a que des Mexicains dans mon studio, oh, la vie est belle. Des sous dans un sac, poubelle, la haine et du sang sous les semelles. J'suis comme un esclave, contre le maître, je me rebelle. J'rêve de braquer la banque off américaine, déguisé en Père Noël. Aux douanes, j'passe dans la fouille corporelle, ils veulent voir ce que j'ai dans le sol. Toujours suspect dans une berline black, en virée nocturne, on scotch les plaques. Traction, traction, on se maintient même quand y'a pas de sous. Même quand y'a pas de sous, l'envoie toujours en rouet. Les billets bien enroulés, ils ont rêvé qu'ils me voyaient couler. Mais ce jour n'est jamais arrivé. All around this bitch with 10 bands on a nigga like every day. I'm from East Atlanta, I can get money in like every way. While I'm riding around listening to Tupac praying for better days. If I want it, I'ma cop it right then, I ain't motherfucking hesitate. Thought a little bit pushed too hard, had a little hoe devastated. And I sold out every week on that block cause I sell the latest. Exclu, nocturne, nouveau son de Rimka. I'm from the East, no West, but I need me a Kim Kardashian. Every day, every day, every day, every day, every day. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Je voulais faire le quartier, je suis parti à Roissy et j'ai pris un billet. Arrivé aux USA, ils m'ont dit c'était chaud dans les rues, ça tirait. Ma ville, les Rio de Janeiro, mon gang, le chien tout dressé. J'aurais dit vu ma situation, j'en avais rien à cirer. Mon histoire commence rue Camille Route, nourrie de déception, j'ai fait ma route. J'aurais fait plus d'argent sur les terrains de foot. Mais tant que la maman est bien, j'en ai rien à foutre. Tant qu'elle met ce qu'elle veut dans la soupe. Tant qu'elle met ce qu'elle veut dans la soute. Les deux pieds ancrés dans le quartier, à créer des liens qu'on ne peut dissoudre. Every day I walk around with a lot of money. Blue cheese, I like a lot of hunger. See, I'm figure nigga like me, you know I need a lot of commas. On the truth for the rap shit, but every day I lie to someone. Me and Run K going crazy on the beat like this, yeah. Met the Eiffel Tower, get hit from a freak like this, hell. Sign of my throat, hell nah, let me get this shit clear. Reincarnation, boy, I'm going crazy. Swear to God, I've been here. Every day, every day, every day, every day, every day. La nocturne. Every day, every day, every day. Nouveau son de Rimka. Every day. Je vous le repasse dans 30 minutes si vous avez loupé le début du son de Rimka avec Rich Homie Quan. C'est un extrait de son projet qui arrive lourd. Rimka du 113, une grosse dédicace à lui. Mmh. 100% rap français, planète rap. La nocturne. C'était l'invité cette semaine, Maître Gims, l'album est sorti. On va l'écouter maintenant avec JR, avec la Vendetta, Doumams. Le morceau Uzi. Thank you.

All around this bitch with 10 bands on a nigga like every day. Exclu. Le son de la nocturne, Rich Omicron, avec Rimka du 113. If I want it, I'ma cop it right then, I ain't motherfucking hesitate. Put a little bit pushed too hard, had a little hoe devastated. And I sold out every week on that block, cause I sell the latest. And don't think about shit too hard, hell no, no meditating. I'm from the east, no west, but I need me a Kim Kardashian every day. Votre connexion, qu'un rien à découvrir dans un instant avec LECK et Taiga. Every day, every day, every day, every day, every day. Je voulais faire le quartier, je suis parti à Roissy et j'ai pris un billet. Arrivé aux USA, ils m'ont dit c'était chaud, dans les rues ça tirait. Ma ville, le Rio de Janeiro, mon gang, le chien tout dressé. J'aurais vu ma situation, j'en avais rien à cirer. Mon histoire commence rue Camille Route, yeah. Nourrie de déception, j'ai fait ma route, yeah. J'aurais fait plus d'argent sur les termes, yeah. Mais tant que la maman est bien, j'en ai rien à foutre. Tant qu'elle met ce qu'elle veut dans la soute. Tant qu'elle met ce qu'elle veut dans la soute. Et deux pieds ancrés dans le quartier, à créer des liens qu'on ne peut dissoudre. 100% explicit lyrics. Blue chill, I like a lot of hunger. See, I'm feeling nigga like me, you know I need a lot of commas. On the truth for the rap shit, but every day I lie to someone. Me and Run K going crazy on the beat like this, hell. Made the Eiffel Tower get hit from a freak like this, hell. Sign of my throat, hell nah, let me get this shit clear. Reincarnation, boy, I'm going crazy. Swear to God, I've been here. Every day, every day, every day, every day, every day. Bon, je vous le repasse encore d'ici une trentaine de minutes, le son de Rimka, avant d'attaquer les classiques tout à l'heure. C'est la nocturne 100% rap français. Et le CK et Taiga maintenant à découvrir on time. La nocturne. Je galope le lundi à Paris, le jeudi au Maroc. Sans respect, pas de lock, c'est fini, oui, oui, fini, fini. Lec, t'as pris du bif, chute, Willy, Willy, Willy, Willy. On connaît le truc, beaucoup parlent en marche du système. Une villa pour maman et deux, trois femmes. De l'autre côté du périph', comme au Marcy. L'amour est à la haine, je le dis, tout va bien jusqu'ici. Oh, j'aime la France qu'ils détestent, ils nous jugent, on progresse. J'ai plus le temps qu'on me next. Oh, on se voit tous bronzés sur une playa. Virgin Mojito à côté d'une Rihanna. Statue ma couleur, on n'est jamais à l'air. Et on dit que le bonheur est ailleurs, yeah. T'as voulu conquérir le monde, moi j'ai voulu nous rassembler, yeah. Ne jamais douter une seconde, mais ne jamais dire jamais, yeah. On time, no hood rats. Me and Five Star Lek in the Maybach. Lil' strap by the wallet, no latex. Put the pistol to a pussy, call it safe sex. Rip chest, rip rip, tech to the neck. Mob like Italians, that's vinaigrette. Yeah, niggas couldn't fuck with my silhouette. One sec, tech wet, got the kush on deck. On n'est jamais à l'air. Peu importe où statue ou ma couleur. On n'est jamais à l'air. Et on dit que le bonheur est ailleurs. T'as voulu conquérir le monde, moi j'ai voulu nous rassembler, yeah. Ne jamais douter une seconde, mais ne jamais dire jamais, yeah. Chérie, fais-moi un twerk pour que j'ai moins chaud. J'ai fait un rêve, je me suis levé sur les maréchaux. Notre boulot dodo, ça me fait chier. J'aime dépenser, Hugo, je suis fichu. Ah, beau gosse, jeune rebeu sur le visuel. Cherche une new ghetto d'une beauté cruelle. On se croise pour que je comprenne, elle me fait le L. I believe in my talent, the real phenomenon. Used to play the tech deck, you just play desktop, swerve on the internet. LK getting checks, T-Bar been a threat. Bitches give me butt like cigarette, nigga, yes. Head down, knock a left, thumbs up, 7 up. And the shit bump, got the end of time in the trunk. Yeah, spending money till I'm dizzied up. About to get it while you giving up. On n'est jamais à l'heure. Peu importe ton statut ou ma couleur. On n'est jamais à l'heure. Et on dit que le bonheur est derrière. Yeah, t'as voulu conquérir le monde. Moi j'ai voulu nous rassembler. Yeah, n'ai jamais douté une seconde. Et ne jamais dire jamais. On n'est jamais à l'heure. Peu importe ton statut ou ma couleur. On n'est jamais à l'heure. J'ai voulu nous rassembler, yeah. Ne jamais douter une seconde, mais ne jamais dire jamais, yeah. Et le CK, Taïga, alors, vous en pensez quoi, les messages avec le hashtag Skyrock? Les messages 41759, ça arrive dans le studio, la nocturne 100% rap français. PNL à découvrir maintenant dans la nocturne. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Hugo t'inquiète, nique sa mère, j'm'empête. J'papote avec ma poquette. Gucci c'est obligé, elle quête. Césaire, plutôt coquette. Sous ta gage, j'suis pas genouné. Balèze comme ma pocket en fin de journée. Les poches prennent des formes, les poches perdent des formes. Jusqu'à la prochaine fournée. 89, goûte à ma teub. 25 ans d'âge, 25 ans d'âge. Pas dans ta teuf, j'vis serre un keuf. J'monte en étage, j'monte en étage. Raye, raye, raye, raye, je la bute sous le soleil, laye. Ouais. Raye, raye, raye, raye, je la bute sous le soleil, laye. Ouais. Ouais. Raye, raye, raye, raye, je la bute sous le soleil, laye. J'maille, j'maille, j'maille, j'maille, puis j'm'envole à maille. C'est de la bonne à sa mère. J'sors de la galère. La vie de ma mère. Ram pam pam pam pam. Hella benga benga. Dans la ciudad. J'marche le regard amer. Coup du sombrero. A la Mexico. J'n'ai hezbop sur la tête. À hauteur Chico. Fuck fuck amigo. Sors pas tes mythos. Il me faut la black card, il me faut la white widow. T'es pas tard, je leur fous ma merde et c'est le bazar. Et puis si t'es bonne j'ai le fouet. Et puis devant ton poule j'ai le souhait. Et puis si j'ai parlé avec toi pétage, fais 500 pompes avant les bras va gonfler. Raye, raye, raye, raye, je la bute sous le soleil, laye. Ouais. La bute sous le soleil, laye. Ouais. Raye, raye, raye, raye. J'la bute sous le soleil, laye. J'maille, j'maille, j'maille, j'maille. Puis j'm'envole à maille, maille. Raye, raye, raye, raye. J'la bute sous le soleil, laye. J'maille, j'maille, j'maille, j'maille. Puis j'm'envole à maille, maille.

depuis aujourd'hui mon cœur avait raison. Gros album de Maître Gims, Melinda Gates. PSO Thug maintenant, ça aussi ça vient du XV Barbare du 17ème. 100% rap français, planète la nocturne. Et après un son d'Ice MC qui débarque dès lundi 20h-21h dans Planète Rap avec son album à pas louper. Billet sur billet, je continue à compter. Billet sur billet, je continue à compter. J'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. J'suis sûr que t'es pas prêt pour la guerre. Ma dope et ta thune font la paire. Tu trembles quand on déboule dans ton bloc. Ils s'affolent quand j'accélère comme t'envoles. Switch, tu parles, t'es mort. Bitch, je kiffe tes formes. Le bruit du Smith et Wesson nous borde. Nos péchés s'additionnent, les Kevin nous soupçonnent. Je cook et j'additionne que personne me questionne. Beaucoup trop illicite, on a ramené les coffres numéro uno vous chope, coup de crosse. Noah remplit mon coffre, Garfoy, Renoir, déterminé, tu sais. Canon devant le nez du banquier. Elle m'a dit qu'elle dealait de la dope, je lui ai dit c'est moi le gros 6. Ok, aval, si t'insistes, j'ai mon gars FA2Z qui m'assiste. Ma goutte coquée bip, dans ton pito je m'introduis. Gueuchla, essuie ton pif. 22, je suis l'en deux speed. Le côté autour nous dévore et tu te rends compte en fin de compte que tu n'étais que mon objet. La plupart de mes thugs n'ont plus de limites à partir du moment où le mal peut plus se cacher. Yeah. Billet sur billet, je continue à compter. Billet sur billet, je continue à compter. J'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. On est pas de mèche avec les flics. 100% rap français. Dans la poche un gros paquet de flics. La nocturne. Je m'exprime au premier degré, je ne laisse ni le blé ni l'amour m'aveugler. Je rappe pour de vrai, je m'approprie les trophées de force ou de gré. Tout est millimétré, nos contentieux mènent à Bichard Robert Debray. Aucun regret sauf quand j'aperçois des locs comme idolâtrés. La folie des grandeurs va m'avoir à l'usure, ma folie c'est rondeur. L'odeur de la luxe sur 300 000 au compteur. Insomnie mon moteur, j'écouvre comme une rancœur, comme mon cœur se fissure. Je qui tient les ficelles dès l'enfance, mon talent est d'une triste blessure. Y'a du monde à viser et des nouvelles recettes. C'est la MS-17 qui te brise le fémur. 20 piges, pied du mur corner. Cagoulé sur la hornette. Cap pétaille dans la cornette. Les rappeurs baillent au corneille. En air tard, silence, honneur. Poukito, je te montre en l'air. L'élite arrive, arrive, allure. J'ai la dalle, je viens du corner. Avec les seigneurs, l'insolence est borgne, le silence est d'or. Car le silencieux dort. De un route dedans, de trahis, pas l'omerta, y'aura pas mort d'homme. Petit, tu te demandes pourquoi les grands te forgent à la loi du plus fort. La rue n'est pas un jeu, tout le monde n'a pas ton âge. Et des gens vont plonger si tu perds tes couilles à deux pas du coffre fort. Je lave ce que j'ai souffert toute ma life. La vingtaine, pas d'enfant, pas de wife. Toute la night, paranoïaque, schizophrène, insomniaque. Vide ma rise, pique, je suis sur le corner. Pique, je suis sur la hornette. Arme serre sur tes pommettes. Pique, je suis sur tes côtelettes. Pique, je suis sur le corner. Pique, je suis sur la hornette. Arme serre sur tes pommettes. Pique, je suis sur tes côtelettes. Elle veut pas toi, pique, c'est ma bitch. Elle veut pas toi, pique, c'est ma bitch. Je crois qu'elle cherche un homme riche. Elle aura cloté, une taille, un sandwich. Y'a de la poudre dans l'air, tout le corner à terre, commission rogatoire. Pico non mandataire, disent avoir aperçu Belphégor au parloir. J'investis dans la pierre, le sang coule dans les rues, sort l'oseille du tiroir. Elle arrive de Tijuana, je pisse du rose, et pour marquer mon territoire. L'argent fait le bonheur, les yachts et la haute couture, le monde est à nous. Passe au corner avec mes darlos, tu veux pas que je te hagar au hanout. Si la ture préméditée sous les douffes de l'aurore, loin des pays parfumés que le soleil caresse. À la recherche d'une identité, d'une arme de l'Est, on a l'essence éveillée, mais l'oseille n'est reste. J'ai toujours les mêmes habitudes, sort de bitume, pico, with attitude. À l'heure où j'écris ce texte, la digne aux lunes, tulipes, et j'ignore encore comment l'album s'intitule. Petite pute, je n'ai qu'une parole, je suis formel. Car le corner m'a formé, 7-5 square dans tes oreilles. Paraît pas comme des corners. Respecte les seigneurs, l'insolence est borgne, le silence est d'or, car le silencieux dort. De un route dedans, de trahis, pas l'homme.

Lunatic Révolution. Le son qui met la pression. Garçon, c'est l'oppressé contre la répression. Y'a plus de maître ici. Plus d'MC. Plus de saison. Dans mes récits. Le son qui met la pression. Garçon, c'est l'oppressé contre la répression. Y'a plus de maître ici. Plus d'MC. Plus de saison, de raison. Dans mes récits, des rap sales comme mon argent. De mon pécule à la queue bon. Pour taffer ou pour dealer, partout y'a la queue. Vie crue, avec une poissard. Parmi les saïsaïs et les brassards. Modeste, écrit sur du PQ. Anti-PD, pas entière pour une mort violente. Garantie, frère, ici c'est deux spies. Horrifié parce que je récite l'illicite trop. J'suis une cuillère du feu, une seringue et du citron. Arrêtez de jacter, t'es un vrai gars, ouais. Depuis hier, moi depuis mon premier cas, ouais. T'adresse à qui? À moi, Bram Souissaka, à qui? Moi, quand je suis né, j'étais kaki. Le son qui met la pression. Ce soir, c'est pour faire beurre, pour te sèvres et le square. J'atteste qu'il est unique. Que ma race sert de crash test. Déraciné, ma terre est sous mes baskets. Le sujet me tient à cœur. Mets du coco dans la fusée. J'emmène mes frères et sœurs. Dépouillés en toute impunité. Trop abusé, oh, alors on fait du fric sale. Essaie de s'amuser. J'ai la nuque, je rappe sous mon aisselle. Le bise est plié, on l'étouffe. Allez tous voir habillé. Monte à bord du P52. Touche pas au klaxon, j'consomme. Pose mon 16 avant que le monsieur m'assomme. Mon son n'a rien de banal. Négro, j'ai peur de venir à ta radio. Glisser sur une peau de banane. Ouvrir le crâne sur le beat, j'ai un petit mal. L'important c'est pas la chute, mais les tunes qu'il y a au final. Je sais que t'aimerais me descendre. Dans l'oreille pour me détendre, j'claque de l'oseille. J'attaque pour me défendre. Monsieur l'agence, qu'a mal entendu. Pareil que ça a tiré, mais j'ai rien entendu, moi. J'ai la voix grave car on m'a pendu. Négro, personne n'a attendu leur aise. Tu t'es vendu, t'es dead. On est hard, y'a pas de hasard. La brousse comme édifice, B2O, Midoffice, c'est Mazalaza. Que Dieu me pardonne, ça ferait des sortes si ton sage qui était soune de fou. Oh oui, on somme comme tous ces connards zone. En uniforme split, seul notre art drone. À la plus haute place, les rats grognent. Comme des pites enragées, nous voir tous manger, ranger, enfin manger. D'histoire pleine danger, jamais troché par une feu solo. Mais je brochais mon crew, que l'on nous pardonne d'avoir la paix sur mic. Faire pleurer le fond à quoi qu'il faut qu'il sèche, je n'aille. Wesh wesh, pareil que mon flot de l'étendèche. Mais faut

tu reconnais la voix du padre. Sorti du 13C, sur le mic usé par le pollen et la sensei. Toujours d'attaque avec le shit squash. Mettre sur tes gardes, en attendant lyricalement que l'on bombarde. Balance ton cocktail de fer, y'a néné. Si tu cherches la Kenya, y'a que chez nous tu pourras la trouver. J'ai pas de topo, j'suis plein de popo. Demande à mes potes, c'est SSS, mec, que j'ai sous le capot. Je pose toujours à mes répètes sans oublier mon matos. Est-il au micro, mon choker, c'est Vatos Fortos. C'est comme ça que j'aime bosser. J'suis pas du genre à canner ou taper des blocages. Et vas-y, cesse de ricaner, ouais. Mon beat de popo représente pour le troisième œil. Même si j't'ai frite dans mon deux feuilles. Je regarde mes potes, drôlement des boss, tous guidés par le haki. Comparé au hasard, plein de mémés qu'elles sont chic. Regarde-moi droit dans les yeux, ro. Si arrive pas, quel minable ce gros. Dis-moi, c'est des shit que tu fumes ou des pilules que tu gobes, bab. Combien de gosses ont voulu se la jouer quand se sont perdus. Je te l'avais dit de rester dans la scène. Si en soirée, bad boy, pompe un joint. Reste cool comme ton pote, l'ami Ali Aléa. Je ne fume pas, mais préfère voir des gens down avec le shit squash. Kepra Tox, land à la dame squadra. À croire que c'est un championnat ou c'est le plus bête qui l'emportera. Avant d'appuyer sur play, t'aurais dû faire un petit. À la santé du squad, Joe Popo, Luciano Pedro. Mon ami, c'est la vie qui veut ça. Enika, Mgeta Osh. C'est la vie qui veut ça. Mgeta Osh, Mgeta Osh. Mon ami Mgeta Osh. Mgeta Osh, Mgeta Osh. La vie, mon ami Mgeta Osh. Mgeta Osh, Mgeta Osh. C'est la fin de la nocturne 100% rap français sur Skyrock avec le Shit Squad à l'instant. Prochaine nocturne dans une semaine à XMC qui débarque dès lundi 20h-21h dans Planète Rap avec son album. Merci à tous ceux qui ont suivi. Merlin, Merlin connu sous d'autres pseudos était là ce soir. Fabulo était là, Bruno était là, Nora évidemment. Oumeille. Elle est dans le coin encore ou elle est à part aux oiseaux là? Roxane! Merci à vous tous. Bah voilà. Kiki, merci beaucoup, ouais. Merci beaucoup. Voilà, super. Merci à Fred, merci à toi. Ouais, merci à toi. Yovan Nazir, vous êtes. Qu'est-ce que vous faites les gars? Il y avait Bruno aussi. Mais Bruno, j'ai dit, ouais. C'est donc la fin de la nocturne 100% rap français fini. 2h16, 2h17, même on y va, c'est parti. Rap, R&B en non-stop, Fabulo, t'es prêt ou quoi gros? On y va? Yeah. Allez, The Weeknd. C'est parti. Coup d'envoi du week-end sur Skyrock Rap, R&B en non-stop. Bon week-end à tout le monde.